Bote bandeko balandia Top Congo FM boye malamu na manaka parlons-en ya mokola lelo tozali mardi parlons histoire li solo ya mboka na biso histoire to uta wapi tozali kokende ndenge nini mikolo nyonso tozali à la découverte ya parcours ya certaines personnalités ya bato ya bayi politique to bayi société civile oyo ba marka histoire politique ya mboka na biso pona kosola lisolo e na boyebi ete lokola ba mardi nyonso tozalaka na ndeko Thomas Luaka Losenjola, chercheur et passionné d'histoire azali na biso a to retrouver dans quelques instants kasi pona ko présenter na bino parlons histoire ya mokolo ya lelo obuzala ki kozela mingi d'ailleurs nazali ngai moko te nazali na Marcel Kitambala ona ke ko pesa mbote mbote mwana mboka tire kambundi. Alors, ndeko Thomas Luaka, mbote na yo. Mbote mingi ndeko Thierry, mbote mingi monsieur Marcel. Alors, lelo to koyeko to fungola ba page ya liboso ya histoire ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, n'est-ce pas Marcel Kitambala? Exactement. Et to koye baye malam malamu azali nani, asala nini, komba na ezala kinini pona mboka na biso au Congo. Et bato mingi surtout na bilenge oyo ba zwa chance wana te peut-être autant ngona kelasi parce que ndeko tire mingi mingi ba histoire en mboka na biso histoire ba beta ma mingi na école te te ba mingi ba histoire ya ba mboka msusu ya ba pa ainsi de suite ya mboka na biso to bela ngo vraiment mingi te alors pona bilenge pona ba jeune bozwa ba moi biki moi papier pona ko noter ba date historique ba événement oya malamu pe parcours ya Kondo Etienne Tshisekedi o azali bongo papa ya mokambi ya mboka o tozali na ye mokolo ya lelo mwana mboka Félix Tshisekedi surtout acteur politique monene ya mboka na biso. Exactement. On le verra et on va le découvrir tout au long ya chapitre autre consacré na ye donc la vie d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba c'est le thème de parlons histoire ya lelo ezali thème ya parlons histoire ya mokolo ya lelo Etienne Yayambo, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la vie d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et ce n'est pas notre invité qui me dira le contraire. Ndeko Thomas Luaka, maloba ombokayo. Merci, Mingi Ndeko Thierry. Mais nako senga yo, moi, faveur moko. Nako senga yo, moi, faveur moko. Que en deux, trois minutes. Tosili saki émission ya papa Kengo Adondo mais ya moi chapitre moko ya mokuse to bosanaki je pense que ezali très très important parce que eloko wana et troubla bana Congo mingi ezali kambu ya prima courier na deuxième république batunyo so bayebaki en fait li solongo bandi na mois de décembre 1990 journal moko kombo nango Umoja et publié article et lobi voilà bino boyebakate ba mikonzi ya mboka na biso bazala kanakati ya science occulte bazana eloko na mango eloko na loge na bango mo babenga Congo prima courier kuna basala ka ba pacte de sang grand maître na bango maréchal Mobutu donc ba lobby makambo ebele ba sacrifice humain ba melakutu ba makila ya batu et troublé ba congolais ikamba prima courier ile lo tozai bala mike polémique et lobby saka ki sasa eloko wana ndenga sana tile loyo etika na bitwa batuke pose à la grand politicien il faut à la grand membre de prima courier toi à loge mon voilà la science occulte voilà explication que papa Kengo a pesi likambo prima courier e bandi ndenge nini alobi na 1985 président Mobutu a bengisi quelques hauts cadres bazala ki 4 il y a un père na bato na ye na masuwa na ye bazala ki banane tozali na Kengo Adondo premier commissaire d'État, donc premier ministre. Tozali Nakiti, toi, Bengantundu, premier vice-président du bureau du comité central du parti, du MPR. Troisième Moutou, Boboli Kolokonga, deuxième vice-président du bureau du comité central. Et puis, quatrièmement, Kiti Mabine Ramazani, secrétaire général du MPR. Voilà, Batou, cinq ans, on s'est retrouvé dans le bateau. Mobutu a expliqué Bango Boy. Alors, vite là. Parti na biso un père et sa parti munene batu ba adere mingi mais tozana mo problème moko comme tozana mingi na kati ya ba organe wana secret za la kalisu souté na ba délibération na biso likamuka kamuke to koloba boy et c'est bimili banda likamuke to koloba et bimili banda voilà nga na kanisi qu'il faut to créer comme moi comité moko stratégique ya muke oyo toko banda ko réfléchir avant entre biso ceux qui idée koli wana chiko to memi yango na barugani ya parti na kanisi nde moyen ko préserver ba secret ba délibération na monsieur koyo sala mandengwa ah ba participants ba zuba remercier mon konzi pona marque ya confiance hein wa sali bango et tout ba sepeli et puis na suka réunion ba lobi OK kiti toi premier vice président bureau politique qui dit toi est-ce que okoyiko préparer hein zo moi 2-3 jours hein au préparer les son moi projet moko ya structure ya moi organe ngo tokoza la organiser ndenge nini qui dit toi ki 2 jours après kengwalobi nazu projet a qui dit toi l'école projet wana bakomi prima courier oh na tangi projet ngo bonga bime prima courier li susu nini na comprendre te na bengi qui dit toi Gabi kititwa na moni document tindelenga c'est quoi ça prima kule za nini kititwa nzoka zalaka ambassadeur kala na Vatican comment zalaka ambassadeur na Vatican a copier organisation ya Vatican na iloko na yona prima kuria elakisi premier cercle la première cour hein donc bato benda bazalaka pembeni ya pape c'est ça la prima kuria donc biso alobi biso comme to kozala premier cercle autour ya maréchal biso to kozala prima kuria naye et puis nakati ya projet yango atie ba congrégation ba dicaster vocabulaire à Vatican quoi nda reprendre nakati oh, kengo lobi me kititwa moi comité à 4 5 personnes okino sala ba structure na ba kombo kili kili bwendenge nini et puis probablement maréchal pasoa ki copie na ya projet bazui maréchal a bwa ki sa idée yango donc organisation na esalama lisusu te ki kongo lobi renyo wana ya batu wana comité stratégique et salama kaka une fois peto sereni sa société 5 ans plus tard 1985 5 ans plus tard ba journaliste ba zui document wana nde umoja yeko publier alobi voilà origine ya et organisation ya prima courier kengo lobi prima courier comme une organisation occulte au ba politiciens ne ko participer prima courier n'a jamais existé au Congo donc ezalaika ka mit ezalaika créé puis en tant que opposition bandi hein donc voilà ba journaux ya opposition zo fou la micolonion so et tout voilà l'histoire ya prima courier parlement debout et tout ça moi je c'est barélé yango ceux qui ba zui batié ba parce qu'à l'époque parlement debout na bané 90 c'est bané osama mingi place ba tandara ba journaux tout à fait na ba point de vente peut-être loko ya suka lisolo na beti ya prima courier et lobite que na deuxième république batu ba maneko sala ba kisité batu bazaki na science occulte mais organisation prima courier etikali ko existete merci beaucoup to kangi parenthèse wana parce que to fungoli chapitre batu belé ba senga kibiso batu belé ba bandai ko zena yango la vie d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba première partie ya parlons histoire consacrée na Étienne Tshisekedi wa Mulumba yango yoto bandi alors to banana e bandi oui. Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali nani ndeko pona ko permettre bandeko baza ko landa biso ba comprendre biso malamu to ko sala mo récapitulatif moke par exemple il y a ba quelques concepts yali boso tangu tuza ko loba ba luba Tshisekedi aza Mulumba mais to sala ki émission mubimba awa pona ko expliquer Mulumba na Congo et la kisinini Mulumba na Congo eza na signification misato premier groupe ya baluba babenga bango baluba shankandi to baluba katanga baluba katanga bavanda kana ancienne province ya katanga baluba ka kiluba chiluba te kiluba et puis nakati na bango wana ozali quelques kombo to pesa ki Laurent Désiré Kabila azali ki muluba katanga babenga bango muluba kati Kyungu wa Kumwanza, Jean Mbuyu, Celestin Mbuyu, Général John Numbi, Ngoyi Mulunda, voilà quelques exemples ya baluba ya Katanga. Et puis toza na baluba lubilange. Luba lubilange nde baza baluba ya Kasai Oriental. Lubilange ezaka kakombo ya rivière moko baba, baluba bavanda kapemene ya rivière, ce sont les luba lubilange. Baluba lubilange baluba kamunoko nini? Chiluba. Baluba ka chiluba, kiluba te chiluba. Ezaba nani tozali na Albert Kalonji, Joseph Ngalula, Monseigneur Kongolo, Étienne Tshisekedi, Raymond Tshibanda, Bruno Tshibala. Et puis troisième groupe ya baluba. Babengi bango baluba ya Kananga. Bango baluba kanga babenga bango pe ba Luluwa. Lulua pona nini bavanda ka pembeni ya rivière moko boy Lulua. Bakoma ko benga ba Lulua. Donc voilà, ozana ba Lulua, ba Luba au sens strict au Bachisekedi et puis na ba Luba Katanga. Et puis les Lulua et les Luba parlent Chiluba. C'est quoi pona Chiluba wana? Tomona ki yango ke ba mindele l'état a décidé que na Congo ba tribu eza mingi, minoko eza mingi. Alors l'État a décidé na ba minoko nyonso ya Congo à retenir kaka minoko mine ba bengi yango quatre langues nationales. Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. Ba imposer Chiluba na Kasai Mobimba. Ba na tanga baza ko kene na classe, baza ko tanga na Chiluba. Conséquence nango nini? Conséquence nango ezali ke batu nyonso o ba lobaka Chiluba baza ba lobate. Par exemple, et puis deuxièmement, Baluba, Kasai, Ezaka, province, ya Baluba, te, ba tribu, mususu, peza la kakuna. Entre autres, ba songe, ba salampasu, ba lualua, ba lulua, te, ba lualua, ba kete, ba bende, ba kuba, ba kanyoka, na ba tetela. Dernier point, monaki, ya ba langwana, na Kasai, mobimba, ba tribu, nyonso, endimaki, kotanga na Chiluba, sauf ba tetela. Ba tete la ba boyaki ko tanga na classe ba ebisi mobutu soko tindel biso ba livre na Chiluba awa to kotumba ba livre wana to monaki yango na ba voilà to monaki donc eza récapitulatif yango wana ke ba tete la ba tanga na Chiluba te ba tanga na monoko na bango ki tete la mais pourquoi ba tete la ba boy na Chiluba wana to démarrer mission alelo pourquoi ba parce que il y a moins rivalité moko boyzalaka entre ba tete la na Baluba. Rivalité, on a tout un exemple moko d'application. Ndengeni ne s'applique à qui? Tozana San City. Après San City, ba corps politique et Kaboli n'a pas composante. Il y avait cinq composantes dans le dialogue congolais. Bozana gouvernement de Kinshasa, MLC, RCD, société civile, opposition non armée. Répartition au salami na San City et salami boy. Chaque composante, ba cinq wana. À cause de côté à 94 députés. Chaque azana 94 députés, chaque quota azana 22 sénateurs, chaque composante azana 7 ministres na 4 vice-ministres. Voilà pour la transition. Pour la transition. Mais si koyo na société civile, ba pesi bango li a 7 ministres, ba pesi bango 2 ministres. Ba lobi OK, bino toko compléter bino na ba institution d'appui à la démocratie auto créée. Eza 5, bino bokozwa, eza nini, commission électorale indépendante, CI, et comment le CENI, commission vérité et réconciliation, haute autorité des médias, et comment le CESAC, observatoire national des droits de l'homme, ONDH, commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. Donc, voilà cinq institutions, hein? Bah, président Nabango, bah, koutan la société civile, et puis, chaque président a causé la rang, a causé un rang un ministre. Voilà comment société civile et deux ministres dans le gouvernement, dans cinq présidents, et qu'on s'y côté dans Bango, il y a sept. Tous ceux qui s'y connaissent en opposition non armée, Bango Bazui, quatre ministres, sept ministres, dans quatre vice-ministres. Bakke Kosa la réunion pour Bakabo, la Siko, Toko Kabo la Ndengenini. Moutoumoko a bimisi de la réunion opposition non armée, à l'objet, tous ceux qui ont 11 provinces, Bakke Sibis ont 11 postes. Mais Tokabo la, poste moko par province, c'est simple. Ba province ya Ngwezanini, pona ba ona ba oba ebite, na 2003 tozana, 3 Kivu, et les 3 provinces du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga, les 2 Kasai, Occidental, Oriental, Bandundu, Bakongo, Kinshasa, Équateur, na province orientale. Voilà ba 11 provinces. Donc, balobi, chaque province a kozwa poste moko moko moko. Ba tu ba beti maboko. Moutou mousso sa ju parole, bi non, non, non, nga na za d'accord, te. Maniema akoye kozwa lisu su poste te oh Maniema zote pona nini Maniema kozwa te parce que Maniema se azui vice président de la République na Zaïd Ngoma to baksida bango lisu su poste ministériel pona nini ah ba twalobi ndeko ozana raison donc ba retirer poste ya Maniema sikoyo 10 poste ba pesi na ba province nyonso oitikalaki poste moko etikali ba lobi siko poste supplémentaire to kosana ngo nini moko participa azui parole bi non. Poste wana ifoto bakisango na Kasai Oriental. Pona nini na Kasai Oriental? Ah bi non, parce que Kasai Oriental bikolo mibale ezala kuna babenda na katulta. il faut to baxela bango pona okabola bango bikola ngoni ni baluba na batetela alobiso ki bozuka ka poste moko na ya Kasai Oriental botie batetela na baluba na kati ya sala bolobi bakabola poste wana bako papa na bambele kuna on rappelle qu'à l'époque oiza lelo sankuru ezali na kati ya Kasai Oriental Voilà comment les Ngankoy ont voté dans le ministère transport. Ya transport. Oui. Balou Baba s'est retiré, bah il a combo ya Remo Tshibanda, Remo Tshibanda côté gouvernement comme vice-ministre à plan. Voilà. C'est quoi rivalité wana? Wana na 1 plus 4. 1 plus 4 en 2003. Tozolo bela arrangement et Salamaï na Sun City. Oui. Ndé botaki gouvernement ya 1 plus 4 Joseph Kabila dans les 4 vice-présidents. Jean-Pierre Bemba, Zahid Ngoma, Azarias Roubert, Wana, Abdoulaye Rodian Dombasi, et puis Naba ministre. Voilà. Donc, si koyo rivalité, wana est Outuapi. Et Outuapi, parce que Naba 19e siècle, 1850, ba arabe bazako colonisé l'est ya Congo. Ba commerçant arabe bazako lukanini, ba esclave Naba Pembe Nzoku. Ba créé Naba armée na bango, basa Naba Mindoukou, ba armée moderne. Moko na bango a eko créé presque sultanat. Na este kuna arabu wana kombo na ye Mohamed El Mujerbi ayebani mingi na kombo ya tipo tipo uchu wapi na Swahili mwana waza obeza mwana mwani bano bazanga na sante wana na Swahili babenga obango mu tipo hein donc tipo tipo certainement tango tipo tipo zaka mwana mukazi akanzo tuminene donc tipo tipo a formé sikoyo ba petit congolais ba jeune congolais comme ba soda na ba lieutenant na ye po basala kanini bakenda ko ko kangele ba esclave et l'un de ses lieutenants s'appelle Ngongolo Tete Azar Mutetela Ngongolo Tete na armée nae a ko terroriser Kasai Mobimba soki ba yoki kaka Ngongolo Tete azo ya batu ba kimi ba panzani et tout donc ils vivent en insécurité et d'autant plus que ba luba ba elsi bango ba tetela ba liaka batu c'est des cannibales donc voilà comment panique wana e ko tinda déplacement ya population ya Kasai bake ko luka sécurité et si kabayo ki ki ba mindele ba ye babani ko créer ba poste et puis force publique ezali deux postes par exemple Lusambo na Lulwabu voilà comment batu mingi ba uti Kasai oriental bake ko s'installer na Kasai occidental Kasai occidental yango wana première raison deuxième raison ezali ke na Kasai occidental oriental misale ezate ba école ezate ba école ezakuna donc ba para mingi obalingo tang sabana bango bake kuna. C'est ainsi que la Kasai Oriental. Kasai Oriental, mais ça les a fait baquer Kasai Occidental. Yango ça aussi, on l'a vu la fois passée. Tout le monde a Yango a tukoya komona quelques exemples des grands leaders Luba. Ya Kasai Oriental, babotami na Kasai Occidental. Tout ça, exemple, il y a Albert Kalonji, a botami le 6 juin 1929, na Bunkonde, ça peut mener à 70 km à Kananga. Jonas Mukamba. Abotami le 4 janvier 1930 na Chikapa, Kasai Occidental. Joseph Ngalula, abotami le 12 décembre 1928 na Lusambo. Omonika, kote kuna. Yango wana, couple moko boy, bango pe bafanda kana Kasai Occidental. Papa moko na kombo ya Alexi Mulumba. Aza katechiste, papa malongi, et papa sango. Aza katechiste, pe akwa okoma moniteur sima. Na mwasi na yeba bengie, Agnes Kabe na Mwauka. Bako yako bota mwana na Lulwabur. Le 14 décembre 1932, mwana ana ba pesi ekombo ya Etienne Tshisekedi. 14 décembre 1932 na Kananga. Pourquoi kombo ya Etienne? Etienne nalobi awa abotami le 14 décembre 1932. Mais na calendrier ya ba katholik. Le premier martyr chrétien oya koufi quelques années après babo tamu yezu akufi kombo na ye Saint Étienne ba lapida e mabanga na Jérusalem ba bomai na mabanga sikoyo ba catholique bazaka na habitude yako fêter Saint Étienne na mois de décembre yango wana tango mwana na botami toza na mois de décembre sango wana probablement a pesi e kombo ya Étienne Tshisekedi comme parce que toza na mois ya Saint Étienne voilà comment petuana abotami wana Eh, aza peki tangwana. Abotami, mais aza ye mokote na katia famille. Le couple, Alexis Mulumba, na agen Agnès Kabena, bakobota bana 8. Mwana liboso, kombo na ye, Chambuyi Lumbala. Mwana mibale, Etienne Tshisekedi. Troisième, Alexis Mulumba. 4, Gabriel Lusangu. 5, Gérard Mulumba. Oya kwa koko ma monseigneur, évêque. Oya koufa ki d'ailleurs na poste ya numéro 1 maison civile, un chef ya maison civile, ya président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Azala ki leki. Azala, papa leki, ya président. Ya président, petit frère ya Etienne Tshisekedi. Voilà. Azala, cinquième na katia famille. Sixième, Eugénie Chika. Azaki député national à Koufa qui je crois n'est pas. Et puis septième, Petroni Kapinga. Azaki député national élu en 2011. Hein? Voilà, 2011. Ouais, parmi Batoyo, Bozo se rappelait, tant que Komaki, Etienne Tshisekedi, Aibisi, on va faire la choix. Hein, ba Missus Batika là qui va s'amuser, Batika là qui, mais ba Missus Baboya au CG, etc. Félix Tshisekedi aboye ko CG tata mosine akotaki na Sami Badibanga. 7, Petroni Kapinga. 8, Kapela Mulumba. Na bana 8 ya Alexis Mulumba lelo oyo mi baleka kande batikali ezali Petroni Kapinga na Kapela Mulumba. Etienne Tshisekedi akosala école primaire na mission de père de skeut banako benga ba skeutiste na Kabulwanda. Et à quoi que ça l'école secondaire, na collège Saint-Jean Berkmans, il y a Kampondé. Je rappelle na bande ko bazay ko landa biso que parlons histoire lelo est consacré na vie ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. La vie d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, lelo première partie avec Thomas Luaka Losenjola comme invité. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Alors, Etienne Tshisekedi a botami na Kasaï occidental, oui, pour des raisons aussi qu'on évoquait dans le Luabourg, alors qu'à originaire il y a Kasaï oriental, voilà, et babotami 8 ma famille, il y a sa deuxième, donc deuxième. Une famille de 8 personnes, à Tangi, école primaire, école secondaire, où évoluer. École secondaire, mais si quand on va école secondaire, je crois na cinquième. Garçon moko boy ay ko tala bande ko nae auti na banda ko bengango l'ovanium ki santu hein un peu na lobaneti embryon ya université l'ovanium e banda kana ki santu to kozonga la mukolo mususu tango to beta histoire ba université garçon ana kombo nae Jonas Mukamba aye na Kampondé ko tala cousin nae na frère na mo bande ko tanga wana basango wana balobi mais est-ce ko ko pesa conférence mo côté na 1953 azupe a pesi conférence na bana classe wana bazali a remarqué petit moko bazotu na ba question mingi. Et autour n'est comme on a un nabi comme on a Etienne Tshisekedi. Voilà comment Jonas Mukamba a coutané pour la première fois Etienne Tshisekedi na Kampondé à sa 5e secondaire. Jonas Mukamba kadia Tanzania kadia Tanzania que d'ailleurs au lobby peu malamo na remercier pour na ko préparer émission na ko remercier quelques bateaux ya liboso papa Jonas Mukamba ou andima ki ko yambangai apesanga ba elima ebele ya époque wana. Tosana l'ancien premier ministre Bruno Tshibala yepe ayambakinga apesinga belememe et na papa nanga moko twa yebiete Adolphe Kalonji yepe aidanga mingi na ba elema ya tangwa en dehors ya ba livre en dehors ya ba livre voilà. Donc sikoyo tu sais que de 6 na 1954 tango assis na 1954 na Kampondé azui po aya kotanga na Kinshasa. Vacances, il y avait un problème, il y a calendrier, et ça, c'est que, à cause de chômé, bah, moi, et belé, yangouana, azui, moussala, na, bébé, à l'ouloabour. Bébé, à la, qu'est-ce que c'est, banque belge d'Afrique. Oyo, succursale, à l'ouloabour, azako, salawana, comme commis. Azako, salawana, comme commis. Et puis, tango, azako, salawana, comme commis, wana. Mais, tango, azalaki, na classe. Na Kampondé azalaki na camarade na moko kombo na Kizito Kalala bazaki na concurrence oyo tour moko bimi premier oyo bimi premier camarade na Kizito Kalala na Lulua pour siko akoya ko présenter jeune fille moko boye je crois que Kizito était plus ou moins parenté na jeune fille wana jeune fille ngoko moné Marti Kisalu Marti Kisalu auti ko sikisa école ya infirmière na Mikalai ayesko na Ninwana na Kananga Tshisekedi Moustane a présenté, Marthe Kisalu, Tshisekedi coup de foudre, a eu ma palpitation. C'est quoi le malheur? A craqué. A craqué. Tshisekedi, malheureusement pour Naye, Marthe Kisalu, Azali obligé, à la grande sœur Naye, à Balana Louisa. Aza, moi si, y a papa Moko Babengi Moukadi. Moukadi Aza, assistant. Assistant social na Louisa, Marthe, à la grande sœur Naye, Libala Kuna, Yangona Marthe, à Komiko Sala, na hôpital ya Louise. Tshisekedi de sika tikalaki a supporté te a landi eti na Louise. Wana zana age nini? O mwa na 1932 to zana 54. 22 ans. 22 ans. Bon. A landi jeune fille wana tina Louise a keko déclaré bolingo na ye, ce qui fait que na 1955 Marthe azungi na kananga bakoya ko balana. Tshisekedi tchen Tshisekedi a bali Marthe Kisalu na kananga na 1955 parce que na tango akala ba boti na biso ba fin ba na obala avant. Oui, tout à fait. Hein, ba na obala avant biso a bo ba erwana moi tantôt biso ba calculer les gaming na mutu mais bango voilà et puis ayi mamba compliqué te aligni moi si na e oui bala mo ka bali se présenter. Oui, exactement. Maman Marthe est encore en vie. D'ailleurs to recepela mingi Abdela o nyoso to senga ka émission mémoire a betali sola on bali na e. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour raconter l'histoire de Tien Tshisekedi. Tout à fait. Andy Marapé, on espère qu'au-delà, il y a Onyon Sotozozoa, ben, riche information sur parcours. Il y a Tien Tshisekedi, tu reçois un peu l'occasion. Il y a Rosolana, Maman Marthe, sur l'histoire de Kondo Etienne Tshisekedi. Alors, tu marques pause, Yadiboso. Tu es qui la place en 1955. Etienne Tshisekedi, à Balani, dans mon long Alinae. Marthe Kisalu. Voilà, on se retrouve donc juste après le journal en Lingala pour la suite de cette première partie de Parlons Histoire consacrée à la vie d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes sur Top Congo FM et aujourd'hui, notre émission est consacrée à la vie d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tozolobela, Eteni Ayambo, Yabomoi, Ya Parcours, Ya Étienne Tshisekedi Wamulumba. Na Parlons Histoire. Parce que Azali parmi les politiciens va marquer l'histoire, il y a Mboka Nabiso. Ndekotoma loi qui a invité Nabiso, to Zali Naye, to Suki, to Suka qui n'a été ni à Yambo, na Esika à Bali, Maman Marthe. Hein, to préciser dans nos combos Naye, hein, parce que Kasalu. Maman Marthe Kasalu. Hein, Maman Marthe Kasalu, Tshisekedi, parce que comme Maggie Molonga dit, il y a été un Tshisekedi. Comme on a dit, Marthe Kasalu, Jibikilai. Voilà, c'est ça. Etienne Tshisekedi a botami na Kasai occidental. Oui, wana pe précision mususu na utikozwa appel ya vienanga honorable Kapika wazalaki proche ya Etienne Tshisekedi. Alobi Tshisekedi a botami na Kananga te a botami na Kabulwanda. Isika papa ne azaki catéchiste. Donc na Kananga te na Kabulwanda. Mais na Kasai occidental. Na Kasai occidental en tout cas. Oto lobi aza originaire ya Kasai oriental, ouais. Mais suite ya ba raison to évoqua ki wana mouvement ya insécurité, koluka misala ba école et tout ça ezali na Kasai occidental, ya ngwana ba boti na e ba kena ko s'installer kuna e ya botami kuna. Botami atangi kuna sika to komi na sika a Bali, Maman Marthe Kasalu. Exactement. To kost. Et un autre élément alobi vieux Kakapika Léon Kazumba, un ancien inspecteur général des finances et des enseignements, yende a facilité qui libala wana na cadre ka libanga abifrantanga Léon Kazumba yemu ta organisé qui libala wana. Donc voilà, Etienne Tshisekedi en 1956 ayena Kinshasa. Ayena Kinshasa alinga sa la droit. Pourquoi alinga sa la droit? Parce que tant mazala ki mwana muke, il était admiratif na ba juge, hein, moni ba juge ba na sa l'itinérance wana. Est-ce que mon juge avant dit bah tu vas jouer à ça va problème na bango et ça l'a beaucoup passionné alors bien yep il faut comme un juge pour non comme un juge il faut ça la droit aye mais il se pose un problème l'ovanium na 1956 bazana faculté à droite donc mon ami a mon organisé une émission mususu tango ba belge ba autoriser création il y a université localement ba ici la catholique beaucoup qui créer université ba peki ça qui expressément formation en droit a bien fongola ba tu esprit ba koya ko baluki na biso. Donc je crois qu'on l'a dit aussi dans l'épisode. Exactement. Donc faculté à droit exacte Tshisekedi insiste yeka ka ifo ça la droit mais il y a un autre problème concours à circonstances où ko sali sa Tshisekedi beaucoup de colons belges au bassin na Congo Olie bana na bango ba kene kotanga na Belgique, ba souhaite pe bana na bango ba tanga localement awa, na lofania wa libi, puisque université de Jeli awa. Donc voilà, pression ana ya bakolon, Tshisekedi pas a kote a pression pa Monseigneur Ginon. Monseigneur Luc Ginon a kopsenga na maison mère. Maison mère ya lofania, c'est l'université catholique de Louvain. Alobi voilà, ba demande na zanango awa, Louvain est autorisé, Lovanium et Fongola, faculté à droit. Si coach, tu sais que tu as présenté, bah, lobby, non? Pour n'a pas congolais, pour beaucoup de la faculté à droit, il faut un concours d'admission. Yango, on a concours et quoi, salama. Il y a 150 candidats congolais pour n'a pas mes commissaires, na première année à droit, na université à Lovanium. Donc, en fait, 56, on est commis deuxième promotion. Na 150 candidats wana le seul qui va réussir le test au bas retenir côté bas congolais Ezali Etienne Tshisekedi. Voilà comment Tshisekedi 150 candidats. Candidats, 150 candidats c'est Etienne Tshisekedi qui passe. Mais deuxième problème qui s'est posé à l'époque pour na osala droit, il faut zala osala humanité gréco-latine. Tshisekedi asala ki humanité latine. Dans la mathématique, bon, latine. Mais ça, la gréco-latine. Donc, balobi, si quoi, comme ça, la grecte, il faut l'enda formation spéciale, n'est-il préparatoire, préparatoire universitaire. Tu sais que, d'y a quoi, ça, là, une année après, pendant que, y a qui grec, a, comme un niveau, si quoi, n'est, a, kokota na, première année, y a droit, na, en 1957. Na 1957 wana mwasi na ye o atika ki na Kananga Marthe Kasalu a rejoindre na Kinshasa ba komi kovanda na ba résidence ya ba étudiant marié o lelo koma ba plateau ya ba professeur ba étudiant marié ba ande kovanda wana. Donc Marthe na 1957 a rejoindre ye, ce qui fait que na 1958 baboti mwana na bango ya liboso oyo ba pisi kombo ya Jean-Claude Moulumba, en 1958. Bon, pour nous aussi, ça a chapitre en Abana. Etienne Tshisekedi, na Marthe Kasalu, Bakobo Tabana 6, Bangonyo Sobamibali, Tokoye Kotanga Bango, 58, Naouti Koloba, Jean-Claude Moulumba, 1960, Roger Ilunga, 1963, Félix Tshilombo, et puis, tous en a Christian Chimini, quatrième, cinquième, Jacques Tshibanda, et sixième, Thierry Tshisekedi. Donc, voilà, au Komona, peut-être moi, parenthèse, moko, hein. Culture yaba na bazo a kombo ya papa, ou ba bengango patronyme. Eza culture ba mindele nde ba yelibiso. Parce que dans la culture bantou, kombo ya moutou, moutou moussou soa kwe ko zoango te tanke yaza vivant. Parce que c'est le nom qui fait la personne. Identité na yo, personnalité na yo, ezana kati ya kombo na yo, yango ba bantu ba pesa ka kombo na vivante. Okozwa kombo ya mutu, soko ya kufi, noko na biso, koko na biso, ozwi. Ce qui fait que, dans les années 50-60, les gens n'avaient pas encore la culture, la patronymie, yango komona bana ya Tshisekedi. Tango baza ko botama, baza ko bako benga bango ba Tshisekedi te, mutu na mutu. Azana kombo na ye, na uti kolobawa, Jean-Claude Moulumba, Roger Ilunga, Félix Tshilombo, ainsi de suite. C'est après, na kutumo tu, je pa amendele, tu komi ko bagise, ko patronyme, kombo ya papa, na, tu, pour avoir complété ba kombo na miso. Voilà. Na kangit, parenthèse. Voilà, parenthèse. Donc, Etienne Tshisekedi, a ye, a wana kisasa, a sali test, a réussir parmi les 150 candidats, étudiants, ba lingay ba admettre na faculté à Sika ya droit. Oui. Il y a les seuls Congolais. Ouais, Oyo Azui, Bazuye, et Abengisi Molonga Linayo, et Naye, pardon, Aye, Babou Van Anaye, Naïsika, et comme il est le plateau des professeurs, parce que étudiant à l'époque, Bazaraki. Boursier et puis logé. Boursier et Bazaraki peut loger. Ah. Donc voilà. Babotibana, Motoba. Oui, Motoba. Six. Voilà. Yangona Siko Tokena, création à MNC. Président Zamona Misato. Mona Misato. Mona Misato, voilà. Na 63. Yangona. Bon, puisque vous avez dit que bana na moi parenthèse mon père na fongola na 1962 vie moko ya Tshisekedi tokomona ye komona ye Samuel Badibanga. Samuel Badibanga bakimi tant bakimi kasai to komona dans quelles conditions bakimi ki babengani bango na kasai occidental baluba babengani bango na ena Kinshasa awa na 1962 aboti mwana na ye Tshisekedi aye ko botelengi pa ya vie vie aboti mwana mwana wana tango abotami Tshisekedi azana bon aye na ko botelengi mwana wana komba ko pese pe komba tata na ye Samuel Badibanga akoyebana na kombo ya Sami Badibanga ancien premier ministre donc mwana ya ya Samuel Badibanga pire vieil à Tshisekedi. Et puis création MNC en 1958. Mais, pardon de quoi Thomas Loire Otiki. Histoire Étienne Tshisekedi tango asili siki là si parce que on a zui a comme docteur El Bosote na va 61 déjà. Non, on a tozana no ke tozana 58. Création ya création MNC. MNC na fongole ka parenthèse ya Sami Badibanga. Na 1958 ba ancien membre et association moko conscience africaine ba créé parti moko ba bengi un mouvement national congolais et puis l'un des membres influents y association ana kombo na ye Joseph Ngalula Ngalula ake na camarade ne moko uta province orientale kombo na ye Patrice Emery Lumumba ayene na mouvement. Et puis comme Ngalula avait de l'influence dans cette association, pourquoi Ngalula a une influence? Parce qu'il porte le même nom que l'autorité morale et mouvement. Hein, pour nous utiliser le vocabulaire. Conscience africaine, autorité morale, c'est l'abbé Albert et Joseph Malula. Voilà. Comme on a dit Ngalula, tant que le commissaire à l'école, Monseigneur Raphaël de la Quétule, Père Raphaël de la Quétule, Papa Raphaël, ou appelez ça comme Papa Raphaël. Ça, la tata Raphaël. Sangoana a joué à commis Joseph Malula. Moi, na zongi nandaku, a keko yebisa papa nae. Papa nae zaki ancien combattant. A Bundabi tumba ya Première Guerre mondiale. Abi papa na classe kuna, bako benga nga Malula. Oh, bako benga Malula ndengene. Vie wana, so ancien soldat wana na kanda nyoso, a yeko mona père de la Kitu. Abi mon fils, il s'appelle Ngalula. Ngalula ndinga chiluba penda donc comment yozo benga he Malula sangwa tali ka galobi non on va arranger ça sangwa changer pe le côté yangwana monseigneur atikala Malula cardinal Malula or comment est Ngalula Ngalula Joseph Ngalula donc ce que Joseph Ngalula o mususu ou journaliste a influencé ba mister na epo ba pona Lumumba président provisoire en attendant tout ça la congrès voilà comment Lumumba a commis président MNC grâce à l'influence, il y a Mr. Naye, Joseph Ngalula. Mais si koyo, avec le temps, un autre cadre, il y a MNC, il est mécontent. Non, tant que salami, ba jeune ming ba adhéré dans le mouvement national congolais, entre autres, ba jeune ba adhéré, tozana Joseph Désiré Mobutu, il n'est pas un journaliste, à côté MNC, Emmanuel Nzuzi, à côté Jonas Mukamba, à côté, et puis Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, d'ailleurs, va nommer conseiller MNC dans l'Ovanium. À combien est-il représentant, il y a MNC dans l'université l'Ovanium. En 1958, Etienne Tshisekedi a quelque participé, la Belgique a organisé une espèce de foire, hein, une exposition universelle. Et vous mettez la question, 6-7 mois à Bruxelles, Tshisekedi a une exposition universelle à Bruxelles. Na compte ya université l'Ovanium. Il y a niti ba mindele ba sa ko kendo la ki sa makambu ba osa na Congo. Donc ba memi ba étudiant Tshisekedi azani ti modèle ya ba étudiant oyo ba sa ko formé na l'Ovanium. Joseph Désiré Mobutu a ken exposition universelle ko représenter journal na ye et ainsi de suite ba na ba ta société civile. Voilà beaucoup de Congolais na 58 ba se retrouver kuna. D'ailleurs exposition universelle ndé ko permettre ba Congolais ba kasser magie wana ya complexe devant Mamindele. Pour Nanine, ça c'est une autre parenthèse. Pendant l'époque coloniale, ba Belge, ba Bandeki n'a pas critère moko strict pour Mundele ayana Congo. Pour Nanine, il faut qu'on garde mythe wana ya Mundele. C'est presque un homme parfait, un homme très intelligent. Alors, ba critère en Wesela Kinini, entre autres, Mundele a koka okoya Congo te. Parce qu'il faut pas Congolais à Monaké, Mundele a koka pesalaka. Mundele a ivrogne. Oya melaka langwa na zola na balabala. Okoya kongote. Mundela ndumba okoyate. Donc voilà plusieurs critères. Il sélectionnait. Ce qui fait que ba papa na biso na ba koko na biso. Ba tika la komona kaba mindele a bien. Ba mindele kaka a bien. Autobiologique. Et voilà. si quand on a une exposition universelle, on peut découvrir la réalité. Que Mundela yibi ça qui a montu barobele laï kanga mouibi. Balandi on a baké kanga. Donc voilà, mitwa na Mundela esa cassé na exposition universelle. Tshisekedi a participé à l'exposition universelle. Si quand on bazongi, tango bazongi MNC et quoi connaître les situations. Cyril Adula, l'un des membres fondateurs de MNC, a commis qu'on se posait dans le leadership de Lumumba. Alors, même comment Joe Oyo, puisqu'on est aussi avec Ozoa, tu tiens à tête à mouvement, a commis qu'on soit une initiative, qu'on soit une déclaration, ça qu'on concerte. Il est vrai aussi que Lumumba devient de plus en plus populaire. Et comment créer moi, jalousie dans la Lingomba. Abib non, bison de bakole loko, comment Johanna, aouti kisangani, akoya kole kela biso. Donc, bah, friction et bandit. On rappelle que Toza, toujours avant indépendance, Toza, 1959. Ouais. La conséquence, c'est quoi? Bon, dans un premier temps, Joseph Ngalula a calmé Mistanaye pour protéger Mistanaye Lumumba. Si, avec le temps, bakoya ko décide, balongola Lumumba. Balongoli Lumumba, balobi, bon, tolongoli Lumumba. Tang balongo et Lumumba, Lumumba kepe akeko zwa base kuna donc et comme benda bika il faut tout ça la congrès pour topona Lumumba na mutu na ye nendaka Victor nendaka nendaka lobito songe pa na biso na province orientale. À l'époque les MNC ezana deux fédérations minene ya Kasai oyo président nango kumona ye Albert Kalonji Sengalula d'ailleurs qui l'a recruté na province orientale nendaka amemi Lumumba bazongi na lo kisangani kuna basa la congrès na bango groupe mususu bake na Lubumbashi ko sala congrès na bango et ko pesa ndenge nini et ko pesa que Tshisekedi non bato bakende ki na kisangani Lumumba abimi président Victor Nendaka premier vice président et deuxième vice président Raphaël Moussampa directeur du bureau politique Joseph Mbuyi wana et comme MNC Lumumba MNC Obasali congrès na bango na Lubumbashi et comme MNC Kalonji Kalonji président et Joseph Ngalula vice président Cyril Adula deuxième vice président donc mouvement Kabwani tango mouvement Kabwani ba cadre pe ba Kabwani MNC Bruxelles tozala ki na Joseph Désiré Mobutu représentant MNC na Belgique André Mandi Évariste Loliki batikali na côté ya Lumumba Jonas Mukamba na Etienne Tshisekedi bake na MNC Kalonji. Si kote eko zonga na 1958 ba Mindele ba organiser ba élection municipale na Kananga. Ce qui va se passer ba Luba au Bauta Kasai Oriental na ville ya Luluaburu baza mingi par rapport ya ba autochtone ba Lulua. Ce qui fait que ba Luba ba ko gagner ba élection municipale ya 58. Wana Etienne Tshisekedi azara étudiant. Wana Etienne Tshisekedi azara étudiant. Mais est-ce qu'il y a un peu de sangisa vie politique na ba étude? Non, azosala, en fait, politique n'était pas vraiment très impliqué na bané wana. Hein? Azaka représentant MNC, Ermoko bakumi ko beba na MNC komi ba Elmi Balé, il regarde ça un peu à distance. Ah. Il n'est pas vraiment impliqué. Tango siko mo boule bimi na Kasai, ba lulu wa balobi, ba luba, bozonge pa na bino et chasse ko banda ba baniko bengo benga na ba luba. Na Kananga, na Luluabur, babengani bango, na Lusambo, Chikapa, Demba, Luebo, Ndekesha, Ilobo. Ba Luba wana ba kubima, na Kasai Occidental, ba zongi epa na bango, esika ba koko na bango, ba utengi ba parana bango, na Bakwanga. Bakwanga, uwe kwa yako malilo, Mbujimayi. Do bakumi wana, siko tango babengani bango, ba etudia Luba, ya Lovanium, basali entente, entente moko boye, neti association pour nous soutenir bandeko na bango ba kwemba déplacer na kati entente on a tous na Etienne Tshisekedi Mabika Kalanda Bizala Cléophas Fernand Kazadi na Félicien Ilunga de basali ngo de Kinshasa na Lovanyo na Lovanyo mana uniki ba okomasiko ba memo ko tinde la ba autorité sikoyo Muluba moko Jonas Mukamba azana Belgique na Bruxelles bazo tindele ba copie ya ba memo na ba petition parce que Jonas azana facilité ya kokoti sa ba document na et pas ya ministre des colonies o azana Bruxelles. Voilà comment collaboration eza ko salama. Collaboration eza ko salama ti te ko koma na indépendance. Tozu indépendance 1960 bon diboso table ronde. Table ronde et MLC Kalonjeye, MLC Lumumbeye et puis 1960, il y a une élection. Dans l'élection, Lumumba MNC a gagné la voix mingi balobi face à la gouvernement. A sali Lumumba lobi bon quand même de gagner ngana balié nanga to sana majorité balié na enani. MNC Lumumba azana PSA Antoine Gizenga, Sereya ya Cléo ya Anise Kashamura, Johnson Sende Balubakati ya Johnson Sende. Bazana majorité na parlement mais Lumumba lobi non. Ezali quand même gouvernement moko historique, c'est le premier gouvernement du pays. Il faut tout cela gouvernement d'union nationale. Yango wana akozwa ministère ya finance apesi na bako ministère économie apesi na konakati na chombe apesi mo Jean Yave et puis a proposé ancien camarade na Kalonji alobi Kalonji yo il faut cela ministre ya agriculture Kalonji ake okuta na ba proche na ye alobi voilà le monde ba proposer nga agriculture wana Kalonji atikala ki nande ko chenchi sekedi ba voilà MNC Kalonji le monde alobi quand même hein yaka poko ta na gouvernement. Ba proche ya Kalonji ba koyebisa enene Lumumba za ko respecter ote. Oh. Lumumba bango ba okoma ba ministre ba ko fana na bureau climatisé yo bando ki no sala bango bilanga. Donc yo kondi ma biloko na asa na consideration na ote Kalonji a bwa ki si ministre ya agriculture. Abina uzongo te. Conception za yeke ministre agriculture asa bureau ne za na bilanga. Na bilanga yenda ki no sala baninga bilanga. Bon, Kalonji moka kwaloba je regrette hein parce que moi na kozanga koyeba mais na 64 etango chombe ya kuya comme premier ministre, chombe ya ku proposer ministère agriculture Kalonji akozo. Abi na ifale na zo tango Lumumba proposer ngango. Donc Kalonji siko main content ake alinga ko ma gouverneur à province ya Kasai. Po na Kasai baluba bazuba député et bele député provincial. Mais il se pose un problème. Et pour nous comprendre l'épisode, on a un salamo somoko dans le temps, tout y a en 2007, na Kinshasa. C'est exactement ce qui va se passer avec les MLC. Assemblée provinciale à Kinshasa, MLC gagné à Kinshasa, c'est le premier parti politique de la ville. MLC en a 22 députés sur 48 députés provinciaux. PPRD en a 8. Bamissou Soubas en a 2, 3. Au moins, hein, le plus grand parti politique, c'est les MLC. C'est MLC à Kinshasa. Na Kinshasa. MLC Sikopo a gouverneur. Azana a besoin juste de 3 voix. Pour comme on a 25, Azana a majorité absolue. Azana a majorité absolue. Yango ana MLC a signé accord na Abako ya honorable François Kimasi, Azana a 3 députés na. Malheureusement accord on est qu'on respecté parce que Abako a proposé Azana poste de vice-gouverneur, MLC gouverneur. Mais Mokola dépôt ba candidature. MLC a déposé candidature. Adam Bobole, na Fidel Baban. Voilà, c'est ça. Bah respecter accord. Sikewana, et Pesia Bako Kanda. Et Pesia Bako Kanda, Siko Kimbuta, André Kimbuta. Akoyako soba partiona mike nyonso. A sangisi yango, na élection, MLC a kozoa 22 voix na yazaki nango. Et André Kimbuta, abimina 26 voix. Voilà comment André Kimbuta est passé. Donc, ba minorité, ba komi, ba majorité. Le même phénomène s'est fait. Na 1960 na Luluabu. Kalonji mutu baluba basaki na bavoye bele. Lumumba sangisi ba partiona na mike ba nyoso wana. Contre Kalonji, Kalonji a échoué. Voilà toke l'indépendance. Gouvernement salami. Tshisekedi asako la namakamu na musika. Le 11 juillet, gouverneur ya Katanga a déclaré sécession. Se alobe de l'Ombe d'Abo. 1960. Kombon, 11 jours après l'indépendance. Moïse Tshombe, à l'obusso Tolongwe, Tolongwe na Congo, a sali sécession. Le 8 août 1960, Albert Kalonji, yeba lobi bisope Kasai, Tolongwe, babenga Congo, Sud Kasai, État autonome du Sud Kasai, a sali sécession à Longwe. Et Pesi Benda, Bika Mobule Koti, Tomona Kiango, le 5 septembre, Kasavubu, à Longoli. Lumumba, Lungoli, Kasavubu. Et ça, les désordres. Le 14 septembre, chef d'antenne, il y a CIA à Kinshasa, à Léopoldville, comme on a dit Larry Devlin. Na colonel belge, moko, Marlière, Bakoya, qui expliquait mon bout, que Lumumba, za communiste, yo, il faut son pouvoir, on neutralise Bango. Le 14 septembre 1960, Mobutu colonel, a sali coup d'État, a eu pouvoir. Alubin a neutralisé président. Premier ministre, n'a pas institution. A quoi y a gouvernement moko provisoire, babengi yango collège des commissaires généraux. Mm-hmm. Oyaza presque premier ministre, Kombonaye, Justin-Marie Bomboko. Bomboko a recruté ce qu'on a étudiant comme membre du gouvernement. Yango Ana Bomboko a recruté Etienne Tshisekedi. Na 60 azaki non diplômé. Étudiant, diplômé. Bangonyo so basa, la plupart des azaba étudiants. Ba Jonas Mukamba ba ye et ba koti na kati ya gouvernement. Tshisekedi azali nommé vice-ministre à la justice. Ministre à la justice azali Marcel Liao. Tshisekedi azali vice naye. Voilà comment Tshisekedi a koti na gouvernement pour la première fois. Vice-ministre de la justice. À l'époque ba obenga on commissaire général adjoint. Mais na période on a siko le gouvernement ko melati na 1961 en janvier mais et ko permettre biso to régler problème moko lettre moko etambulaka oyo na signature Etienne Tshisekedi na décembre 1960 comme quoi Tshisekedi a tindi lettre pa ya Kalonji a lobito zotin de le crapaud hein Lumumba. À mon avis lettre wana eza ya lokuta ponanine un seul indice non deux éléments. Vous avez qui publié na La Nation en chantier. Voilà. Premier élément, il y a fausseté. Na décembre 1960, Tshisekedi aza kobenga Albert Kalonji Moulopoué. Albert Kalonji a koma Moulopoué na février 1961. Donc, na décembre 60, Tshisekedi a kobenga Moulopoué. Pour Azaki Moulopoué. Azaki Moulopoué. Donc, déjà, indice, il y a fausseté. Deuxième élément, na 1960, Tshisekedi n'a pas suffisamment de poids politique pour à participer à un groupe, à une réunion stratégique. Azala qui est simple vice-ministre de la justice. Na obande ko benga groupe ya mbinza. Tshisekedi a été nakati. C'est Mobutu, Nendaka, Bomboko. Vous comprenez? Ba poids lourd ya tangwana. Donc, lettre wana ezalaka une fausse lettre, ba service et salayango. Et puis, il n'était que vice-ministre. Vice-ministre. Azala titulaire, na yé, eh. Signé en tant qu'étudiant. Oui. Bon, et puis, Sikoyo, na. Na, na janvier 61 et le Kwana et Sili hein, gouvernement Sili ba yeko tesko gouvernement solo il y a vieux yo bon. Cyril Adoula Cyril Adoula te Iléo gouvernement Iléo Sikoyo Tshisekedi azongeli classe Kasavu bo récupérer pouvoir Kasavu Kasavu ko tazaka ouais, suspendité c'est comme manœuvre pour nous neutraliser parce que commissaire général ba kené ko prêter serment devant Kasavu. Ah oui, oui, oui. On a vu ça ici. On a vu ça. Si Koyo, tu sais que dans une classe, na février 61, on a ces choses au continent. Février 61, Kalonji, Albert Kalonji, a bien si ba chef coutumier, y a Balouba, y a Kassai, Balouba Karate, ba chef coutumier, ma mingi. Na village, na, a lobi, voilà, biso, ou conjessica, tu ou tena katanga, tu zelaka organisé, tu zelaka na mokondi, na biso, wana ko bengaye, moulopwe, l'empereur. Donc, donc Kalonji s'organise, il est désigné Moulopoué na ba chef coutumier. Ba sali ba cérémonie na Boutou, ba matié na nzete, a komi Moulopoué. Et puis, tant qu'a komi Moulopoué, a déclaré que moi si na ye, désormais, a komi reine. Moi na na ye ya Liboso, a komi prince héritier. Premier ministre na ye na kati ya sécession, Joseph Ngalula. Il dit, mais ma kamoni no yo, et comme il sous royaume, il est contre. Badie na résidence surveillée. Si koyo ba étudiant congolais, Luba, Yalofanyom, ba lobi, ah, viens ma kamoni ni sous, a komi kosa la kune komi ya ba royaume ni sous. Ba lobi, toke nde quand même, délégation toke no mon avie na Mbujima et na Bakwanga, to solanae. Baza cadre. Mais si koyo, il faut tout le cas, petit naïe moko boye a confiance à accompagner Bisso. Petit a confiance à Kalonji. Petit a confiance nani azana Bruxelles, Jonas Mukamba. A autant à Bruxelles. Batinde le message va habiter la Jonas, Bisso l'unito que nous mon avis pour Makambazo Sala, yangote yo kanan a bien avis. Est-ce que vous voyez une délégation? Jonas a bien problème à te, Jonas est en Kinshasa, basali délégation, bakena Mbujimaï. Vieux Mukamba expliquer nga to kitin aéroport, Bisso 5. Tshisekedi na ba o msuna tengwa na Jonas Mukamba Fernand Kasadi Ilunga do akoma ki docteur Ilunga après alobito kei ba sur son aéroport ti na ba ko benga on parler impérial hein, résidence ya Moulopoué to koti na kati chikoyo Jonas Mukamba Kalonji pire vient na parce que tant que Kalonji akoma na Bruxelles Jonas Mukama mutata musaka a celle sa course Mukama zaina moi voiture na yemo boy a celle sa vie na yeba course donc pile vie habitant on a mon vie comme d'habitude na ke pona sala ba colade hein oh alobi vie mo kazala ki na chibamba mo mon chef coutumier mo boya musonge balobi za ki chef coutumier te chibamba za ka fétichère ya kalonge chibamba zui a bloqué Jonas Mukama alobi non mulopwe ko toucher les sociétés c'est comme mulopwe. Bon, parce que quand tu as beaucoup à distance, et puis aussi moi référence à distance, au cas où tu peux s'en permettre. Moi, quand Balobi Nathalie vient en gars, avant de attirer ma colonne à poil à léopard, à lui moi H, Babé Gani, du Congo, là H, attire na l'ipekanaï awa, donc à ça mon loup. Donc comme on a vu à Yambibi sur le bivou là, dingue boyé mais moi tout sur la sécurité tout sur la napo quoi. Ah ben ok. Tout suite au bimit ok. Tant que tu bimit ok, n'a pas quoi bazongi. Je rappelle la bande de Balandi que Tozoro Lobela, la vie, Bomoi, il y a Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Etienne Yayambo, Zaïdelo, Nakadre, parlons-en, parlons histoire. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Parti on a zaire koloba pour nous expliquer l'isolement que tamboula Tshisekedi azalaka ministre et association ya Kasai. Donc il y a mon azaire expliquer dans quel contexte Tshisekedi a comme qui ministre ya association na Kasai. Donc bah lobi to komi wana mukamba lobi alobi moi ya mbabiso ya tete wana poko tango to bimi to lobi kamito pe sape vient dans le lambote batuni ba ifsi batu ba protocole bino boko ko kutana ite azaire na résidence surveillée il faut autorisation mulopwe donc moi to mon ezate. Tu es n'importe quoi, via Ipsiso, non, tout le monde n'a qu'à lobby. Tozongi, bah, qui va loger, biso, lobby, atteint le biso message, moi, n'a pas bien exacté, agenda est à charger. Tokutana, après le lendemain. Le lendemain, on a touillé, via Ayambi biso, et puis a expliqué, biso, lobby, voilà, il y a un petit problème. Quand Kasavubu a bien ici, congrès, moko, table ronde, na Kukilat ville, na Mbandaka. Nga il faut na kende chombe pa kozala kuna biso tu a poto sur la makamba mboka donc nazo obligé na kende kuna mais bino sikoyo bino 5 boze langai awa na kosala peu près une semaine nazo ya mais sikoyo lokola nazo ya nazo kende bino boze langai boza la tranquille ah habito yo kifie nanu to solo li makamba to yela kete sikoyo tango bali ba kende mutu na emo ko ayiko souffler mu lopwe alobi me yo zo kende otiki Joseph Ngalula na résidence surveillée. Akoi ko sala coup d'état en absence na yo. Oh, akosala ko. Oui, akosala coup d'état. Albert Kalonja dit OK, boke no bimsa. Boke no zoanga Joseph. Baki so Joseph Ngalula bo meme aéroport. Baki na aéroport. Amatina Joseph Ngalula na avion alobi tokene Mbandaka. Comme ça osala coup d'état de quoi. Donc a memi prisonnier na Mbandaka. Et puis Atikali a nommé un certain Béa comme ministre plénipotentiaire. Papa Jonas a été mis au aéroport, on a via décoller, on a prisonnier na Ngalula, Bakembandaka. Tant que ceci, si, Beyawana, ministre plénipotentiaire, intérimaire, a bien mis au Tokendoli et Panaye. Toye, Toke, Biso 5, Tshisekedi, Fernand Kazadi, Jonas Mukamba, un certain Ilunga, na 5e. Toke Kuna, va présenter Biloko na Mesa, Tolingi Tobandolia, Beyaye, Biso Biso Bouye. Alobi, Moulopwe, avant à voyager. Atikala eko signé décret impérial. Aibi singana tange la bino ango. Abi tanga. Abi abandiko tanga. Jonas Mukamba, ministre de l'Intérieur. Etienne Tshisekedi, ministre de la Justice. Ilunga, ministre de la Santé. Fernand Kazadi, ministre de la Gendarmerie Kasayenne. Et puis on a Moussousou, ministre de l'Éducation nationale. Etienne Tshisekedi est déjà vice-ministre dans le gouvernement. On a essayé Sili. Essayé Sili à reprendre classe naïe. C'est quoi que vous visitez Kalonji? En tant que étudiant, vous visitez Kalonji parce que c'est session, ça m'a dit à Kassai, mais il y a Bongoli, c'est en gros. À quoi nous le point? Voilà. À quoi nous le point? À nommer Bango sans concertation. Parce que vous faites raisonner, à nommer Bango sans concertation. Viens, mon cas, il y a un nazo ba nomination belé mais wana nomination na ekatanga piti. Voilà avant même balia. Oui. Ekatanga piti. Et en étant pour nos exemples les lots, volontairement kwa bimiawa alobina ke solana M23 pona expliquer ba chiwana buti kama kamwana okomi kuna oyoka comme ministre M23 et kati bango apeti siko baza un peu bloqué Tshisekedi va être le premier à trouver la solution pour Nakokima. Pour Nakokima s'échapper dans Mbujimayi. Quelle est la formule que Tshisekedi a su? Tshisekedi a bengi kamara naemoko awa dikonda. A lobi dikonda, naza kwense awa, via nomenga ministre, sans consentement nangai. Mais au moins, quand même, naza vien abiso, ce qui te brutalise awa, via kokanga biso. Donc, si ko yo pour Nakokide ngai, on s'arrange tinde langa telex na kombo ya monseigneur Luc Jion hein que Luc Jion zo benganga d'urgence na zonga na lovanyam pona makamba classe hein moi urgence moko ezali voilà comment dikonda akotinda telex on est parti c'est que dit c'est que les huit telex akeko laksa kuna abi funa zonga yo laksa ministre plénipotentiaire abi non vraiment je suis très honoré ngbo nomenga mais na na sisi classe il faut na régler problème moko boy tshisekedi mutali buso abimi Mukambazu pe solution akeyi. Le seul article qui quoi assumer ba fonctionner est Fernand Kazadi. Article le ministre a continué qui na Vienne. Mais si koyo kalonji esika akina mbandaka. Ngalula c'est un kinois. Ngalula comme na mbandaka a retrouvé ba misane ba kinois ba bombo ko banini. Ah Joseph ndenge nini? Abino ndenge buzumo na ngawa na za mukenge mukange. Oh mukange ndenge nini? Abi vie akainga na za prisonnier na ye. Abi ok to sale ça. Yango wana nambandaka bombo kufa donner l'ordre bakanga ba délégué o ba yakipona négociation chombe na kalonji bakangi bango baenda bango na Kinshasa ce qui fait que ngalula pe aza libéré ngalula aza libéré ngalula yawa conclave à l'ovanyo mais salami ngalula akuti na gouvernement comme ministre ya agriculture na 61 mulopwe na prison na luzumu parce que mutumoko mulopwe beti saka fimbu na kasai kuna tango za mulopwe tipa ngwa yakina Kinshasa haiko porter plainte et tout ba plainte ezalaki weregemere en ancien ministre Lumumba asaki na justice alobi photo kanga kalonji ba ibisinga ba koteri eke ko mona ngalola bi ta même kalonji za vie na biso et tout yoza ministre esko ministre national esko ko ko plaider te pona vie ba libéré abi non mais vie soki to libéré a okeno continue makamu na yona oh non vie si a changé tout ngalula va intervenir ba libéré kalonji kalonji a zongi na Mbujimayi a reconduire ses sessions na ye a nommé ba ministre asika ce qui va conduire na 1962 général Chinyama ba généraux ya mulopwe hein oya ses sessions na ngalula a wana kini ba boutique coup d'état balbi vie exagéré il faut ce koyo totelim sa babetizwana kasa il faut songa na Congo yangwana chinya maku beta masasi na Mbujimayi na residence avie batika le vie couloir azu mutukana akimi ake katanga ake exil na Espagne yangwana Mobutu akotinda deux bataillons ya ANC na Mbujimayi pona ko absorber unité wana gendarmerie kasaine. Voilà comment sécession ya Kasai ici. ANC, Armée nationale congolaise à l'époque. Hein. Il y a une question de précision. Tu as vu une histoire, 61, Etienne Tshisekedi a comme un docteur Rabi, premier docteur en droit dans le Bokanabiso. Mais il y a un problème, c'est que le conflit, tu as vu le débat, on est salamé à Tshisekedi. Entre quand il y a Lumumba et Etienne Tshisekedi. Tu as vu que Domingi, il n'y a pas Lumumba. Babi Etienne Tshisekedi na salaratu baba extradé ba msusu ba bengala msusu ba kangape babi a participé même na liwa ya Lumumba. Oui. Ya on te le va qu'il est comme une lettre oyo atinda ki azo transférer. Non, na liwa ya Lumumba Tshisekedi n'a pas suffisamment d'influence politique. Eza eloko balati sa yango après. Et puis après Tshisekedi donc na 61 ndengo tukolo bandeko Abimi premier docteur en droit ya université Lovanium. À l'époque hein tomona kiango soko sali 5 ans aux huit licences nayo na régime ya université rakala obande ko malamoko docteur synthèse comme Kengo Adondo pe tomona kiango abimaki docteur synthèse Tshisekedi abimi docteur na 1961 na 1962 Nations Unies est favorisé pour créer des institutions pour former ba cadre. Il y a Congo parce que tu as un problème avec le cadre. Il y a un problème avec le CREI, IPEN, Institut Pédagogique National. na enda École nationale des droits et d'administration. Oui, Etienne Tshisekedi comme un recteur. DG, bon ben donc bien recteur, mais il était le directeur général. Kasavubu a nommé Ekuna. Voilà comment Tshisekedi a comme un recteur pendant donc de 61. Bah et puis Singakutu, collation na yena nous coûte salamité et bah si bah nommé déjà, bah nommé déjà Koto. Donc a quoi comme un recteur il y a enda de 61 qui na 1965. Peut-être que l'on a remarqué, dans le temps recteur, il y a des jeunes qui sont dans les tribunaux, qui sont formés par les magistrats. L'un de ces jeunes, qui est greffé, qui est formé dans Tshisekedi, qui est Minaku Njala, papa ya Obe Minaku, qui est appelé Minaku, Tshisekedi a formé dans Enda, qui est un grand magistrat, Yamboka Oe. Voilà. Mais na 65 a comment qui ministre ya Mobutu Lissou. Voilà, yango sikoto kumona. To komina nokunate. To komina nokunate. Est-ce que to tele maurana pour la première partie to ba elements sous sur bac ces années. Ça dépend tout tika na combien de minutes. C'est ici. Bon. Pour le moment ici. OK, non, il y a pas de problème to ko tele mala biso. Pour la première partie, Tshisekedi azali recteur na Enda na 1965. À qui n'a pas élection, n'a compte y a parti politique y a Tshombe, abimi député national y a Kasai, Tshisekedi, à côté n'a parlement en 1965, tu connais côté les membres. Mambi Matali Bongo Vi, y a Étienne Tshisekedi, voilà, Tikabiso Kalaouta, le 1er février 2017, voilà, Tikabiso, le lot aux Ali, ko, Luka Koyeba, Azala Kanani, Atambola Kandengeni, Navinae, Peti Atikabiso, et aux alliés qu'on se rend au moins un bon cas Thomas Louaka. Tous les appels n'a binon, bah mais tout n'a bobo sanate. Tous les kende musicate, tous les ongles n'a et bandeli. Donc si ka botamaki ti nandenge akiko koma recteur na école au yondeko atangeli biso et pe ndenge nini atambusa qui vient dans la période où on a tous les kate un tous kende na étape mosusu parce que zaka numéro un. Il y a mission, il y a vie, il y a papa Étienne Tshisekedi. 085 000 44 40 089 44 44 471. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, papa Bolim Bisiki. Ti sa volume à radio pote au Komalam. Allô. Oui, allô. Pour Isaac, la commune de papa Louaka, tu sais faire une mine, il y a bon, d'accord. Question T, recommandation. T'as une des commissions sur Skype, Top Congo FM. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, c'est Marcel. Oui? Ouais, dans la promotion, ma promotion, la régie. T'as un coulant d'un des cours. Merci beaucoup. Pour noter question, Mituna Naonde, Kotozium, lundi, Moussous, na 089 44 44 471. Allô, bonjour. Allô. Bonjour papa Roger. Neko Marcel Nande Kotieri, oui. Bonjour. Bonjour papa Thomas Louaka. Merci. Moi, Ikabambale, Malim na Mombele. Oui. Nalingina lo ba papa Thomas Louaka. Na bandola nda obandakala. Na fa na King 24. Sigo ma solonyo so beta ka tile lo to mala politique ya mboka la seja ko évoluer. Ba de doublement ba politique, ba de doublement institution. Mon araba ndenge ba to mazete ba opposant ezo continuer ba contestation do royer tsabiso lelo ndenge politique ya ngwezo changese leçon à tirer ezanini bo oyo baza lelo ba mekante ko améliorer leçon à tirer ezanini na histoire onyo so beta ami balé que c'est ça que tu vas me croire que c'est papa qui te dit à d'aller en caché un père dans le beau qu'on aime au bout de la bétaire caché là non est-ce que ça solo tu es là dans le coup ça merci bonne journée la journée merci beaucoup bonne journée Penayon Deco bon Mambi Matali Bongo Lisolo il y a un père je crois que tu reçois en gros tu reçois ben on a deuxième partie tu reçois beau santé hein tu reçois vidéo question sur tout et alors donc tu as une des comme sous Swanza Nasinga allô bonjour. Bonjour, Mme Martel. Oui. Oui, c'est Monsieur Olindaka. Oui, Ndeko Oli. Oui, n'a connu à l'époque là, papa, papa Boutamaga, n'a pas souvenu à l'époque. Je voulais savoir. Et pardon, Ndeko, tu es qui m'a monté? Alobi, papa, papa, le professeur Boutamaga, n'a pas souvenu. Deuxièmement, n'a pas connu à l'école Louaka, toujours un souci au BST pour n'avoir histoire à Sika. C'est Monsieur Olindaka, n'a pas d'accord, merci beaucoup. 085-000-44-40. Vi, Akondo, Etienne, Tshisekedi, Tozali Kolobelengo. Na parlons-en. Ya Mokolo Alelo, na mwana mboka Thomas Loaka. Tozi mwanzi mosusu na nzana singa. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, papa Marseille. Bonjour. Les amours mboka voici l'homme, la zone volant, la bienvenue à niveau à Dibois. La PSP, papa Thomas Loaka, merci beaucoup. Pour te dire que, par histoire, on a vu sur la Congo, on avait pas le barco, ça a vu sur tout. Moi, l'enseigne à la ministre enseignement. Bah, Luka, ça va professeur, bah, PSP, on va cours et encadrement pour nous refaire ça va dans la histoire où papa Thomas Loaka a cadré le professeur. Mais ma foi, ils ont une histoire très quittée vraiment. D'accord, merci beaucoup Bandeko et à papa Étienne Tshisekedi Bakombo na bango 089-44-44-471. Tozu Moulandi Moussous, Skype, Top Congo FM. Allô? Allô, bonjour, Deco Marcel. Bonjour, papa. Napesi papa, Thomas Loa Kambote Bele. Mbote Ndeko. Zandeko, Willy Moubenga, Nabengi, na Gombe. Yali Bosson, n'a tout na papa Thomas, Naoki, Otangi Komboya, Maman Marthe, Kisalu, mais Toyoka, Babenga, Maman Marthe, Kasalu. Kassalou, Kassalou, c'est là qui est donc, corrigez qui est déjà. Kassalou. Ok, ok, ça va. Mais, comme bon an, c'est tout ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est ça question que je veux dire, en tout cas, merci, bonne journée. Bonne journée, Penayon de Ko, Willy Moubenga. Tous une des consoules sont dans la Singalo. Allô, monsieur Marcel. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, Pena. La tout bas dans la place, fils Miller. Oui, ah, d'accord, fils accueilli. 085-000-44-40. Message SMS, 089-44-44-470. Allô? Allô, bonjour. Skype, Top Congo FM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Raki Bundo qui depuis la commune de Baombo. Oui. Bon, n'a tout na concernant Félix de Kébé, n'a l'objet qui a zé, papa ya, moi na Félix. Mais n'a l'anda Félix de Kébé, pas ya, na télé 50, à l'obat qui, et ya connaîtra maman na SSCO. N'a l'anda na bana de Kébé, na maman, ma, n'a ni papa Thomas Loa, la tangi, Félix de Kébé. A tangi, à l'objet na tout ni même. Bon, fin, déco. Et c'est n'a dit tout l'anda émission, et puis, naibite soki mukolo nini na contexte nini Félix Tshisekedi alobaka ayeba mama na ete tango to tangi awa na invité na biso abisi biso ke Félix Tshisekedi l'actuel président de la République azamo na misato na mama Marthe bazali motoba 6 ya azali mwana misato apesi même ba précision sur le fait pour na expliquer nene nini bana Etienne Tshisekedi bazana ba Tshisekedi ba komboka ba Tshisekedi te il a dit après ses explications tout à l'heure tant que le colonisateur ne mutamema yili kamore moi la fois so kombo ya papa naye et puis na authenticité ndesiko tango bakopikisa ba prénom na biso ndesiko bana bakoyo bakisa kombo ya Tshisekedi après komora bango Tshilombo akomi Tshisekedi avant ça quitte Marcel toujours oui toujours de comme sous allô allô oui bonjour. Oui, bonjour, Thierry Kamboun de Marcel Kitambala. Merci beaucoup à Papa Louaka. Merci. C'est votre auditeur Aaron Galamou, le maire des États-Unis. Oui. Yeah, bon, une petite remarque d'abord, hein, du côté technique. Je pense que sur YouTube, les vidéos sont freeze, ils sont kangama kangama. Difficile par moment de suivre l'émission tout entière. Aussi, il y a Top Congo par moment, Soko Fungoli, Ozoyo, Capré et Katani, même si l'Internet est à full level. Niveau full, mais à chaque fois, il y a un problème vraiment avec ma technicien Bako, j'étais écouté là-bas. Alors, ma question est directe à Papa Thomas Louaka, parce qu'il a parlé un peu d'une parenthèse concernant l'élection du sénateur André Kimbuta. Je voudrais un peu savoir, hein, parce qu'il a dit qu'il a sangista qui va parti politique, et ainsi de suite, pour avoir un peu la voix, enfin, d'être élu comme gouverneur. Mais selon l'histoire, sans polémique, hein, dernière voix où il peut s'accaler beaucoup, c'était la voix du député national Martin Fayoulou. Mais lui, à l'époque, là, par quel miracle il avait fait pour que cette voix puisse parvenir? C'était. Ndeko, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher auditeur. Oyebi parle, Oyebi Top Congo. Tolobaka, un jour, un thème. Les autres, Zolobela, la vie d'Étienne Tshisekedi. Yoke Golobela. Voyez Martin Fayoulou na élection il y a André Kimbuta. On est allé comme exemple à Pesaki il y a configuration à assemblée provinciale na 2007 pour na comme même abisso na makambo et salamaka na élection il y a 1960. Donc ça n'a rien à voir avec le thème du jour. Totika la na thème s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci pour la remarque na par rapport à technique. S'il y a quelques soucis de connexion, parce que Mikolo et Zali Mingi, nous allons reposter l'émission en bonne et due forme. Tout ça, nettoyage, le roi, tout ça, la caïpou, Burulanda, Yango, Malamou, en rediffusion. Merci à vous. Et pour le reste, tout est réglé, en haut, à côté technique. Tout rozoa, Molandi Asuka, Nandiana Singa. Allô? Allô, papa, Thierry. Papa, ton gloire, que j'en ai reçu, que l'on me combat de bien. Oui? La vice-ministre intérieure, on est là, il y a tout dans la écart, on a des moutons dans le monde. D'accord, merci beaucoup. Tosuine de Yasuka. Allô? Allô? 080 Skype, Top Congo FM, 085-0-0044-40. Bah, message SMS, Fobo Sanatena, 089-44-44-470. Togo Zonga Nzana Singa. Yambo Tetope, ça a invité Nabiso Maloba à répondre à Mituna. Tosu Ndeko, allô? Oui, allô Ndeko Marcel. Bonjour Ndeko, pardon, le bon moment, Kassi Poto Komalam. Oui, Nanawatuna Kaka, papa Thomas Louaka a rappelé Nabiso, date de naissance, il y a Félix Antoine Tshisekedi, Nabana Nabiso, on a appelé Nabiso Baeka, il y a Bamboula Nabango. Préoccupation Nangeza Kiyam. Merci beaucoup. Merci. De quoi Skype est en ligne, tous voyez, pour tous ceux qui ça. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, c'est très bon. La piste modée, on se topo, la piste modée. Dans la question, moi aussi, est-ce que Zara docteur, à comment on peut livrer ou bien comment on va livrer? Et doctorat, Nae, à Zoran, l'université, il y a une question. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci Naba, intervention d'Abino Marcel. Je pense que c'est bon. Oui, Toroko ba et ça Naba épisode Misusu et Bandeko. C'est besoin Mituna Misusu par rapport à eux et puis ensuite vous pouvez toujours revenir. Si quand on peut malheureusement inviter Nabiso Poyanola, les quelques questions ou te recueillir Naba appel et puis te retenir quelques messages SMS. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G plus d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau. Voilà, moi je suis Thomas Loakoyo qui est auditeur. Je suis le boss de l'Ombango, de quoi le poteau qui est en banque parce que tout ça attend les sous-tés, faut temps pour un message SMS. Différence écart d'âge. Naliba, là, il y a papa et tiens, tu sais que dans maman Marti Zalaki. Naïbi, il y a maman Marti. Donc, on a quoi estimé écarté. Tout, dans la question de Katuna qui, bon, ma origine, il y a maman Marti, Babi Mingi. Oui, na y a polémique, on a une polémique, on a, mais nous allons continuer comme ça la recherche hein, parce qu'il faut, ce qu'il y a information à Pessawa, et Zalaki Solo. Aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas encore fixé. D'ailleurs, président de la République, je crois, dans l'une de ses interventions, à l'obaki que. Bakoko ya mama naye Bautaki Angola. Okay. Il a dit ça dernièrement ici. Okay, c'est donc il faut quoi approfondir yango. Okay. Je crois que c'est dans le même sens hein. Ote o Bakki ndeko mama Martha Bota bana mususu avant. Toté. Non. Mama Martha Boti bana 6 ya mibali ya Boti bana basité. D'accord. Natanga e bakombo na bango. Et car o nayebi date na Bakki ya liboso 1958. Yami Balé 60, Yami Sato Félix 63. Le 13 juin 1963, de Félix Abodem. De quoi Etienne Tshiseke dit avant que Kaboulandengé Nini, bah étude, na politique, je crois qu'on répond à qui. Non, et c'est là qu'il y a une période un peu particulière. Hein. Tant que tu as eu l'indépendance, tu as eu l'université, en tout cas, au bas, si c'est l'université, tu as eu à peu près 5. Mais tout le temps, tu as eu le gouvernement, tu as eu l'obligé à cause de l'étudiant. Au nom de la classe, tu as eu l'obligé à cause de l'étudiant à l'université. Awana Kinshasa et puis Bamisoso Bauteki na université na Poto. C'était une période particulière où bah étudiants sera qui na gouvernement pendant quelques mois concrètement donc septembre et janvier botanga ba mois où le gouvernement ne oumelaki. Laissons attirer il y a ba histoire nous sur Betaka et changement ils allaient ils étaient bon. Gouverneur ni Nazaki en place tango ndeko Etienne Tshiseke da Botamaki. Wana, il faut na luka. Gouverneur général na gouverneur à province. Il faut na luka. Famille ya Etienne Tshisekedi, utangaki ba kombo peu à date nyoso. Famille ya Etienne Tshisekedi to bana Etienne Tshisekedi. Bana. OK, rapidement to rappeler bango. Tozali mwana liboso. Bon, na préciser pe loko mususu hein. Na bana ona sa kotanga eza couple Etienne Tshisekedi na mama Martha. Mais Etienne Tshisekedi a botaba na misusu na yebi bangote balobateke na longoli bana na famille Tshisekedi. Parce qu'il y a aussi une question, un message à Marcel dans ce sens-là. S'il a eu d'autres enfants ou pas. Il a eu d'autres enfants. Ça c'est sûr. Na yebi bakomo na bangote na yebi nombre na bangote. Nganaza kotanga bana ya mama Marthe. OK. Tozali na Jean-Claude Mulumba, Yami Balé, Roger Ilunga, Yami Sato, Félix Chilombo, Yamine Christian Chimini. Ya mitano Jacques Tshibanda ya motoba Thierry Tshisekedi. Alo popola bande kuna ekasi. O ndeko Etienne Tshisekedi botama na bango. Bande kuna ya famille. Mwana liboso na famille ya Tshisekedi, le père hein, Etienne Tshisekedi, yaya Etienne Tshisekedi kombo na ye Chambui Lumbala. Mibale Etienne Tshisekedi yemoko. Ya misatu Alexis Mulumba, 4 Gabriel Lusangu, 5 Gérard Mulumba. 6 Eugénie Chika, 7 Petroni Kapinga, 8 Kapela Mulumba. De quoi tu sais que dit Azala ministre Mbalaboni, je crois que Wane Rosana Souka, tant aussi ça pour compter hein, parce que na période Tolobi Azala ka ministre vice-ministre de la justice pendant quelques mois na collège on a comme coup d'état Isala. Coup d'état premier coup d'état Mobutu. Bonjour Top Congo Ezali frère Ferila Mutuna nanga Ezali Boye. Nayoka Kendeko Etienne Tshisekedi Azwaka la dissertation 3 sur 5 que tous les élèves de la RDC c'est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'Kendeko Etienne Tshisekedi a comment livre et ça ainsi ça n'a université ni Lovanium Tolobaki yango premier étudiant et premier juriste formé à Lovanium. Bon Ndeko question à Zaï ministre Mbalaboni Odato Lobito répondre ngo a comment livre. Tu sais que non, na ba déclaration na ye ba tu ba compiler yango hein, ba sala ba livre na kombo na ye, mais ye moko boye na tikale ko tanga livre na ye. Et puis na robakisa que il y a quelques années, je crois na ba 2019 awa, to yambaki nde komoko a lobaki za biographe ya Kondo Etienne Tshisekedi. Okay. Il fait partie de ces biographes. Makambo nyoso to lo ba to retirer les pe conclusions yango hein. Voilà. Pour na kozwa basango pour na Kondo Etienne Tshisekedi, il a fallu ko consulter ko tanga qui a été dit sur lui, parler avec certains de ses proches, parce que lui-même, Yemoko livre sur le quoi Kengwa Koma, le quoi Tamwa Koma, le quoi Nani, Yemoka Komate. Donc voilà. Tokomina Suka, il a été New York. Prochainement, on verra quoi Nekotoma Luaka rapidement. Prochainement, Tokomona Siko Yona Loba, Nakoeko intitulé Ango, Etienne Tshisekedi dit les mots bouddhistes. Donc de 1965, Tina 1977, avant Babé Bana Mobutu. Troisième partie, Kozala, Etienne Tshisekedi dit l'opposant. Voilà, merci beaucoup. Parlons histoire, la vie d'Etienne Tshisekedi dit Wamulumba. Tokotala, on a trois émissions. Oui, il y a l'élo, Tosukiya Wakobanda, Abotamiti, à Koti, na politique. Tokutani Nabino, na Poso et Kouya, pour na parlons histoire, et Kouza Mardi, Kassi Lobby, Tosa Nabino, pour na numéro, Moussoussa, parlons-en. Merci Marcel Kitabala. Merci. Merci Alain Bougou, Chris Bivoula, Dani Zayobi, Didi Bintika, na Patrick Mongongo. Merci Nabino Bansoba et Bolanda Kibiso. Grand merci, na Thomas Louaka, pour na matière, ou à Elibiso, puis pour na parlons histoire. Autour, il y a histoire, il y a un beau cannabis. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G+ d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau.